France, Vitaliho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Un petit désagrément à la banque de crédit de Bujumbura. Les changements du système informatique ont fait que depuis lundi, il est provisoirement impossible à la clientèle d'utiliser les chèques reçus ou ordres de paiement. Mais les cartes Sésame restent opérationnelles. Un homme du nom de Jean Sabukiza de la province de Bururi au sud se trouve dans les mains du parquet près la cour d'appel. Depuis hier mardi, il a été attrapé en train d'exercer l'art de guérir avec des médicaments périmés. L'exigence des plaques pour les taxis-vélos refait surface et à un prix élevé par rapport à celui d'avant, 10 000 francs burundais, le prix d'une plaque de vélo, les transporteurs se lamentent. Et dans la chronique éducation de ce mercredi, Elini Bélé-Nibigila nous parlera de l'échec scolaire. Ce sera vers la fin de cette édition. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Captez Isanganilo, écoutez la différence. La banque de crédit de Bujumbura, BCB en sigle, renseigne qu'il est provisoirement impossible à sa clientèle d'utiliser leurs chèques reçus et ordres de paiement, et cela suite au changement de son système informatique. Selon le responsable de la communication, pour faire face à ce désagrément, un reçu gratuit a été mis à la disposition des clients. Réverien Nibarake précise que les chèques aux porteurs ne sont pas pour le moment reçus, mais que les cartes Sésame restent opérationnelles. Suivez-le au micro avec Francine Niokubgayo. Après le changement, il se fait que tous les chèques reçus et ordres de paiement étaient suspendus parce que incompatibles avec le nouveau système. Dès lors, les clients sont priés de venir personnellement à la banque pour pouvoir être identifiés parce que un chèque au porteur serait difficile de l'identifier. La banque propose aux clients un reçu de chèque. On avait l'habitude de le faire payer parce qu'on voulait que les gens prennent l'habitude d'utiliser la carte Sésame sur les guichets automatiques de banque, mais pour le moment, comme c'est vraiment quelque chose d'indépendant par rapport au client, la banque ne va pas le faire payer ce reçu parce qu'ils ne peuvent pas continuer à utiliser ce reçu indéfiniment. La banque va proposer au client un chéquier de 10 feuilles parce que celui qui existait avant était de 20 feuilles. Ce chéquier également, c'est gratuit, mais comme on ne va pas non plus continuer à assurer la gratuité de chéquier, le client sera obligé donc de faire une commande de chéquier pour que il puisse le donner même à ses partenaires en guise de paiement. Et comme ça, on pourra reprendre le système pour que les porteurs peuvent être servis également. Les premiers chéquiers compatibles avec le nouveau système ont été déjà confectionnés. C'est-à-dire que les premiers clients ont été déjà servis dès hier. Ils vont continuer à être confectionnés et les clients pourront les avoir au fur et à mesure. Est-ce qu'avec le nouveau système, vous ne tardez pas à servir les clients? Les premiers débuts sont toujours difficiles, mais on essaie de faire le maximum d'efforts possibles pour réduire le temps d'attente devant les guichets. Et d'ailleurs, ce nouveau système, nous l'avons pensé en vue de mieux les servir. L'opinion pense qu'avec le changement du système, il y a derrière une autre raison. Est-ce que c'est une raison qui peut tranquilliser les clients? C'est une très bonne raison qui les tranquillise parce que, comme je le disais, nous avons passé à ce système parce que il y a des innovations auxquelles nous voudrions aboutir et donc nous l'avons pensé pour mieux servir les clients. Les transporteurs des biens et des personnes à l'aide des vélos en mairie de Bujumbura se lamentent de la nouvelle exigence des plaques et à un paiement non consensuel. Ils indiquent que les prix de ces plaques ont été revus à la hausse, passant de 8 000 francs à 10 000 francs burundais. Ces conducteurs de vélos demandent aux autorités municipales de suivre de près cette situation car, disaient-ils, ils travaillent à perte après la décision qui leur interdit de dépasser les ponts. Jean-Marie Vianney et Ngenda Kumana, reportage. Ces conducteurs de vélo disent qu'il y a une semaine que leur travail est perturbé. Ils indiquent qu'une fois attrapés, leurs vélos sont récupérés après paiement d'un montant de 10 000 francs prix d'une plaque. Quand on t'arrête, on te remet le vélo après avoir acheté la plaque. On t'indique le lieu où on les vend et quand il arrive, le bureau est toujours ouvert. La plaque est vendue à 10 000 francs alors que dans le temps, c'était 8 000 francs. On ne voit même pas où est-ce qu'on va trouver cet argent. La course qu'on faisait à 300 francs, aujourd'hui, elle est revenue à 200. Ils indiquent aussi que des fois leurs vélos sont attrapés par des gens inconnus. Les voleurs se cachent derrière cette situation car on a du mal à identifier s'il s'agit des policiers ou pas. Il arrive que vous cédez votre vélo, des jours après, vous ne le retrouvez plus. Ils demandent à leurs représentants des explications sur le paiement de cette plaque alors que cette dernière avait été suspendue. Nous demandons l'arrêt temporaire de cette histoire des plaques afin qu'on clarifie la raison de retour de cet achat des plaques qui avait été suspendu. Le président de la solidarité des taxis véros au Burundi, Sotavebu Ansigre, explique que ce paiement s'inscrit dans l'optique de respecter l'ordre du ministère des Transports. Selon Emmanuel Nimbona, les conducteurs des véros doivent avoir des identifications. Un certain Jean Sabukiza de la colline Rusama, commune Songa de la province de Bururi, au sud du pays, dans les mains du parquet général et près la cour d'appel de Bururi depuis l'après-midi de ce mardi. Une équipe conduite par le gouverneur provincial l'a surpris chez lui en train d'exercer l'art de guérir, avec même des médicaments périmés ou hors usage, et cela sans autorisation du ministère de la Santé publique, selon le médecin provincial de Bururi. Reportage de Jean-Pierre Misago. Après plusieurs enquêtes menées par le bureau provincial de santé de Bururi, des enquêtes au cours desquelles les personnes interrogées ont nié que Jean Sabukiza fait encore l'art de guérir chez lui sans l'autorisation préalable du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Frédéric Nyonzima, gouverneur de Bururi, a découvert que cet homme de 80 ans fait encore son métier qu'il exerce depuis une quarantaine d'années en compagnie du substitut du procureur près la cour d'appel de Bururi et l'administrateur communal de Songa. Le gouverneur de Bururi l'a attrapé en flagrant délit ce mardi matin avec tout un arsenal de médicaments traditionnels et modernes et trois patients, deux femmes dont une allaitante et un homme. Parmi ces médicaments modernes se trouvait la chloroquine, un médicament qui n'est plus sur le marché des médicaments utilisés dans le traitement du paludisme, selon Dr Désiré Nduimana, médecin provincial de Bururi, qui informe que Jean Sabukiza a fini par reconnaître qu'il n'a ni diplôme ni autorisation du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida pour exercer son métier par manque de papiers justificatifs et a été conduit directement au cachot pour la poursuite des enquêtes. Alors que des tradis praticiens opéraient ces derniers jours dans certaines localités de cette province sans autorisation préalable du ministère ayant la santé publique dans ses attributions, le gouverneur de Bururi dit avoir déjà suspendu leurs activités. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Les habitants de certains centres de la province de Bubanza craignent d'être expropriés et qu'il n'y aura plus d'espace pour l'agriculture et l'élevage. Une fois la vision 2045 mise en application. Il s'agit d'un projet qui va agrandir la ville de Bujumbura jusque dans les provinces de Bujumbura et Bubanza. Lors d'une réunion de sensibilisation à Bubanza devant les représentants de la population, l'assistant du ministre des Transports, Salvatore Nakumuliango, a tranquillisé « tout sera en leur faveur ». Des eaux usées mêlées de déchets en provenance des toilettes ont débordé un regard ouvert situé en pleine rue de la zone urbaine de Brisa. Des enfants tombent parfois dans ce regard selon des habitants de la localité qui se disent même dépassés par l'odeur nauséabonde qui s'y dégage. Ils craignent par ailleurs d'attraper des maladies des mains sales et demandent aux autorités habilitées d'intervenir. Reportage est signé Vestine Boutoui. Ce regard se trouve en pleine rue de la 4e avenue, à moins de 20 mètres de l'entrée du chef-lieu de la zone Ebouiza. Des eaux usées de la couleur verte, mêlées des crottes en provenance des toilettes de la dite localité, débordent ce regard. Étant à cet endroit, on est accueilli par une odeur suffocante. Et par conséquent, pour traverser cet endroit répugnant, on est obligé de couper le souffle. L'une des personnes exerçant leur métier dans cette localité indique qu'ils ont du mal à avoir des clients suite à cette odeur nauséabonde qui s'y dégage et par conséquent, ils sont contraints de subir de pertes énormes. Oui, nos clients ont du mal à supporter cette odeur désagréable une fois amené leur argent pour acheter quelque chose. Nous enregistrons de pertes énormes parce que quiconque passe ici doit couper le souffle suite à cette odeur répugnante provenant de ces eaux usées de ce regard. Un des parents du endroit affirme que dans cette rue circulent beaucoup de gamins, ce qui fait que parfois certains d'entre eux se retrouvent dans son regard et que par après on les transporte à l'hôpital. Des enfants, il y en a beaucoup et il y a aussi ceux qui tombent dans son regard. Ils sortent de son regard étant en mauvais état. Ce qui fait qu'on les transporte à l'hôpital. Ce parent ajoute qu'ils ont peur d'être attrapés par des maladies démentielles, comme la diarrhée et autres, si rien n'est fait jusqu'à maintenant. Ça pourrait nous causer des différentes maladies, comme le choléra, la diarrhée ou autres maladies démentielles. Ces habitants demandent aux autorités habilitées de couvrir ce regard ouvert il y a plus d'une année. Radio Isanganiro, chronique. Éducation. Dans la chronique éducation de ce mercredi, l'on vous parle de l'échec scolaire. Comme défini par Alexis Naïzé-Guillet, l'expert en éducation et en psychothérapie, l'échec peut être l'admission en classe supérieure de l'élève alors qu'il n'a rien compris ou peut être symbolisé par des redoublements répétitifs. Ce psychopédagogue fait savoir que l'échec scolaire est principalement dû au passé de l'élève ou son environnement. Les détails, c'est dans cette chronique éducation préparée et présentée par Elini Bel-Nibigila. L'échec scolaire n'est pas facile à définir, comme le dit Alexine Daïdi-Guillet, psychopédagogue. Mais ce qui est réel, c'est l'inadaptation aux apprentissages par un élève, et cela à cause de petits éléments qu'il a toujours sautés sans toutefois les avoir maîtrisés. Il est difficile, voire impossible, de nous converger sur l'unique définition de l'échec scolaire du fait que les systèmes d'évaluation ne sont pas les mêmes et la manière de transmettre les connaissances n'est pas identique pour tous les enseignants. Nous sommes tous d'accord qu'un élève qui a bien réussi sur une école peut échouer sur une autre. En ce qui concerne la définition, je peux dire que l'échec scolaire est l'inadaptation à des apprentissages scolaires, laquelle inadaptation est causée par les différentes lacunes accumulées pendant les apprentissages. Antérieurs dans les différentes leçons de différentes classes. Mais ce qu'il faut distinguer ici, l'échec scolaire n'est pas toujours synonyme de redoublement, car un élève pourrait avancer de classe avec des petites lacunes qui, à un certain moment, freinaient ou bloquaient les apprentissages ultérieurs. Cet échec scolaire, comme toujours démontré par l'expert Daïdi Guillet, est causé par la famille qu'il abrite. À côté de son environnement familial, l'élève peut lui-même en être la cause lorsqu'il déteste ou craint l'école. D'abord, c'est l'environnement familial. Il y a le problème, par exemple, d'organisation de la famille. La famille peut ne pas s'intéresser aux activités scolaires de l'enfant. Le deuxième groupe concerne les troubles et les difficultés d'apprentissage. Nous pouvons citer dans ce groupe, il y a la dyslexie qui est trouble d'apprentissage de la lecture. Nous pouvons citer aussi la dysorthographie qui est trouble d'apprentissage d'orthographe ou la dyscalculie qui est échec dans l'apprentissage des premiers éléments de calcul, la dysgraphie qui est trouble d'écriture ou bien la dysphasie, problème grave de l'expression et de la compréhension du langage parlé. La troisième catégorie des causes concerne les causes pédagogiques. Mais quelles sont les conditions préalables que l'élève doit poser pour dire réellement qu'il s'agit de l'échec scolaire? Ou encore, quelles sont les principales conséquences de l'échec scolaire? C'est dans notre prochaine chronique éducation. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaye pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir. Léonce Vitaliho.